Ce petit nain, si disgracié dans son corps par la nature, en avait été dédommagé du côté de l'esprit. Il l'avait naturellement agréable et il avait pris soin de l'orner. Quoiqu'il fût, à ce qu'on disait, assez bon jurisconsulte, il n'aimait pas son métier. Il s'était jeté dans la belle littérature et il y avait réussi. Il en avait pris surtout cette brillante superficie, cette fleur qui jette de l'agrément dans le commerce, même avec les femmes. Il savait par cœur tous les petits traits des Anna et autres semblables. Il avait l'art de les faire valoir, en comptant avec intérêt, avec mystère, et comme une anecdote de la veille, ce qui s'était passé il y avait 60 ans. Il savait la musique et chantait agréablement de sa voix d'homme. Enfin, il avait beaucoup de jolis talents pour un magistrat. À force de cajoler les dames d'Annecy, il s'était mis à la mode parmi elles. Elles l'avaient à leur suite, comme un petit sapajou. Il prétendait même à des bonnes fortunes. Et cela les amusait beaucoup. Une madame d'Épagny disait que pour lui, la dernière faveur était de baiser une femme au genou. Comme il connaissait les bons livres et qu'il en parlait volontiers, sa conversation était non seulement amusante, mais instructive. Dans la suite, lorsque j'eus pris du goût pour l'étude, je cultivai sa connaissance et je m'en trouvais très bien. J'allais quelquefois le voir de Chambéry où j'étais alors. Il louait, animait mon émulation et me donnait pour mes lectures de bons avis, dont j'ai souvent fait pour mon profit. Malheureusement, dans ce corps si fluet, logeait une âme très sensible. Quelques années après, il eut je ne sais quelle mauvaise affaire qui le chagrina, et il en mourut. Ce fut dommage. C'était assurément un bon petit homme dont on commençait par rire et qu'on finissait par aimer. Quoique sa vie ait été peu liée à la mienne, comme j'ai reçu de lui des leçons utiles, j'ai cru pouvoir, par reconnaissance, lui consacrer un petit souvenir.